إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد يا إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستأنف دراسة هذا الكتاب، كتاب دعائم منهاج النبوة، مؤلفه محمد سعيد رسلان حفظه الله تبارك وتعالى، إمام من أئمة أهل السنة والجماعة في هذا الزمان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبته إلى الحق أو في الحق إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى. طيب، أولا يا أخوتي الكرام، أعتذر إليكم بخشونة صوتي لأنني خرجت من المرض والحمد لله تحسنت، ولكن إن شاء الله سأقصر الدرس إن شاء الله على ساعة واحدة. نعم، سيكون الدرس مدة الدرس ساعة واحدة إن شاء الله تبارك وتعالى. فقد رأينا في أيام سابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، كتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم. فهذا المنهج وهذا السبيل هو الذي ترك لنا النبي صلى الله عليه وسلم، هو طريقة الصحابة وطريقة الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا. فقد ذكرنا آيات وأحاديث وأقوال من الصحابة والسلف الصالحين في أهمية اتباع منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا كذلك التعريف، تعريف المنهج ما هو، ما هو الدليل من الكتاب، وذكرنا الأقوال، أقوال من الصحابة التي تتعلق بهذا الشأن، وكذلك ذكرنا نقطة مهمة أن الإسلام وسط بين الأديان والسنة وسط بين الفرق. الإسلام وسط بين الأديان، فقد قال الله تبارك وتعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا خيارا عدلا. أمة وسطا، الإسلام دين الوسط في الأحكام والأسماء والصفات والقدر والإيمان والكفر وفي باب الصحابة. فذكرنا الأمثلة في ذلك، فليرجع إلى ذلك مبتغيه إن شاء الله. المنهاج النبوة له مميزات يتميز عن غيره من المناهج المنحرفة بمميزات. فقد ذكرنا أن هذا المنهج لا يقدم عقلا على نقل، بل يقطع بموافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، أي أن النقل الصحيح لا يناقض العقل الصريح، بل كلاهما بتلازم شديد وارتباط شديد. وكذلك هذا المنهج مبني على دعائم وأركان، منها الرجوع إلى الكتاب والسنة على فهم الصحابة، ومنها أنه يدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى والتحذير من الشرك وأهله، ويدعو كذلك إلى نبذ البدعة بألوانها وأشكالها وصورها المختلفة ونبذ أهلها، ويدعو إلى تجريد متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يذمم وينبذ التحزب المذموم، وذكرنا الأمثلة والحكم الشرعي في ذلك. وكذلك وهي الميزة الأخيرة، هذا المنهج يتميز عن غيره بأنه مهيمن ومسيطر على كل زمان ومكان، وأصوله لا تتأثر بواقع عصري ولا بعرف محلي، نعم، فهو مناسب وصالح في كل زمان وكل مكان. طيب، وإن شاء الله في هذا اليوم إن شاء الله سندخل في باب جديد من أبواب هذا الكتاب، ألا وهو أسباب الانحراف عن سبيل السلف. Donc après avoir déclaré, mes frères, un petit peu ce qu'on avait vu les deux précédents, nous allons étudier un nouveau chapitre aujourd'hui. C'est un chapitre qui est court. Et d'ailleurs, il est à mon avantage puisque je ne pourrai pas faire un dars de plus d'une heure à cause de l'extinction de ma voix. Ce chapitre, il s'intitule « Les causes de la déviance » ou les causes de l'égarement de la voie des salafs. Asbabun inhiraf an sabil salaf. Et on verra, inshallah, que al-mu'allif, l'auteur, cite en fait deux voies principales desquelles découlent tous les égarements que l'on peut voir jusqu'à nos jours. يقول المؤلف رحمه الله حفظه الله تبارك وتعالى وبيان ذلك بأن يعلم أن طرق الزيغ عن سبيل السلف في الاعتقادات والعبادات والمعاملات إنما تنتهي إلى أحد سبيلين، كما بين ذلك في غير موضع شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى. Le cheikh ici vient expliquer le titre de ce chapitre justement. Il dit les voies de l'égarement et de l'errance. En fait, que ça soit dans la croyance, que ça soit dans les actes d'adoration, que ça soit dans les relations humaines, al-mu'amalat, ou dans les transactions, quelles qu'elles soient, ces voies d'égarement, elles reviennent en fait à deux sources principales, à deux voies d'égarement principales. Comme l'a expliqué Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dans plusieurs endroits de ses livres, toutes les autres voies d'égarement découlent directement de ces deux voies-là. De ces deux voies-là principales de l'égarement. Donc il est important de les connaître. D'accord ? Il est important de connaître ces deux voies d'égarement. يقول المؤلف ها وهذان السبيلان هما جماع سبل الضلال. Ces deux voies d'égarement, comme je vous l'ai expliqué, ce sont à elles deux l'ensemble, elles constituent en fait la source de l'ensemble des voies d'égarement que l'on peut observer jusqu'à nos jours, ou alors qui ont traversé la communauté de l'islam. Et c'est vers ces deux lois, ces deux voies-là, que découlent les chemins de l'innovation, masalikul ibtida' wa tara'iqul inhilal, et aussi les voies de la décadence, que ce soit la décadence concernant le credo conceptuel ou dogmatique, ou alors la décadence morale, comme on va le voir, par rapport à la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors la première de ces voies-là, mes frères, c'est, comme a dit le shir, « هو طريق المتكلمين من أنصار العقل ». C'est la voie des متكلمين. Qui connaît cette terminologie ?« المتكلمون ». « من هم المتكلمون ?» Qui a déjà entendu parler d'eux ?« من هم ?» ?« المتكلمون هم الذين أمزجوا علم الإسلام بعلم الفلسفة. » نعم. وبعبارة سهلة هم الذين قدموا العقل على النقل أي توحي إليهم عقولهم وحكموا العقل في كل شأن من شؤون الدين. C'est ceux qui ont fait devancer la religion par la raison. Et on sait que la raison, elle est limitée chez l'être humain. Ils ont fait devancer la religion, les textes religieux, où il n'y a pas de place pour la raison dans certains d'eux, et ils l'ont fait devancer par la raison humaine, qui est déficiente. Cheikh l'Islam disait que c'est cette catégorie de personnes, leur révélation à eux, ce sont leurs raisons. Al-Aqlu. La raison, mes frères, c'est quelque chose, c'est un don qu'Allah nous a donné. Subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, Allah nous demande de faire appel à cette raison, mais à bon escient. En effet, Allah souvent dit dans le Coran, subhanahu wa ta'ala, أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي النُّهَى أي أُولِي الْعَقْلِ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ أي أُولِي الْعَقْلِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار هؤلاء أولو الألباب استعملوا عقلهم فيما ينبغي أن يستعمل أي في التفكر في خلق السماوات والأرض في آيات الله الكونيات فمدحهم الله تبارك وتعالى في ذلك وجعل التفكر في خلق الله تبارك وتعالى من العبادات انظروا كيف ربط الله تبارك وتعالى القيامة والقعودة أي أن الإنسان يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنبه هذه من العبادات وربط مع ذلك التفكر في الآيات الكونيات يقول الله في آية وفي سياق واحد الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض وبعد ذلك وصلوا إلى ما وصلوا إليهم من اليقين فقالوا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك أي سبحانك أي الله نزه نفسه على أن خلق هذا الخلق عبثا ولعبا فقنا عذاب النار. Regardez ici, mes frères, qu'Allah, dans le Coran, dans plusieurs endroits, il interpelle notre raison. Mais utilisez la raison à bon escient, au bon moment, au bon endroit, où Allah nous demande de l'utiliser. Allah dit, n'ont-ils pas réfléchi? N'y a-t-il pas ici une leçon pour ceux qui sont doués de raison? Et Allah il dit ici, dans le verset coranique, soit Ali Imran, il y a dans les signes des cieux, il y a dans la création des cieux et de la terre des signes, pour les gens qui sont doués de raison, qui réfléchissent, ceux qui invoquent Allah debout, assis ou couché, et qui méditent sur la création d'Allah. Ô Seigneur, tu n'as pas créé tout ceci en pure perte ou en vain, ou par amusement. Gloire et pureté à toi, et protège-nous du feu de l'enfer. Regardez ici comment Allah, subhanahu wa ta'ala, a fait en sorte que le fait de méditer sur la création d'Allah, c'est un acte d'adoration. Il l'a mis au même titre que zikr, que le rappel ou l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Écoutez bien, ceux qui invoquent ou qui évoquent Allah, assis, debout, assis ou couché, et qui raisonnent et qui méditent sur la création d'Allah. Ça fait partie des actes d'adoration. Donc vous voyez que la raison, on peut l'utiliser, c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'elle est utilisée à bon escient. Elle permet d'arriver à une certitude. Laquelle ? Celle sur laquelle ils sont arrivés, ces gens-là, qu'Allah a décrit. Rabbana ma khalaqta hada. Ô Seigneur, tu n'as pas créé tout ceci en vain. En ayant utilisé leur raison saine, et en ayant invoqué Allah, subhanahu wa ta'ala, et l'évoqué, ils sont arrivés sur le fait que cette création, elle a derrière un créateur, et elle a derrière un but ultime. Allah n'a pas créé cette création en vain. Afa hasibtum أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Pensez-vous que nous vous avions créé en vain et que vous ne reviendrez pas vers nous? فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ. Et Allah ici, comme c'est évoqué dans le verset ici, فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ عَنِ الْعَبَثِ وَاللَّعِبِ Allah il est au-dessus de ça, il est au-dessus de, du fait qu'il ait créé les cieux et la terre par simple amusement ou distraction ou divertissement. Allah il est au-dessus de ça. Bah, derrière il y a un objectif particulier ou précis. Alors pareil dans ce verset, Allah dit Subhan, ou les gens ils disent Subhanak. Pureté, gloire à toi Allah. Tu n'as pas créé tout ceci en vain. Ça ne fait pas partie de tes qualificatifs ou de tes attributs. Vous voyez que la raison, lorsqu'elle est utilisée à bon escient, elle permet à la personne de s'élever vers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que Al-Mutakallimun, ce groupe de personnes-là, que le cheikh a cité dans son livre, comme faisant partie d'une des deux voies principales de l'égarement, qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens-là? Ils ont utilisé leur raison en faisant abstraction des textes religieux. C'est comme si la raison, leur raison, constitue en fait leur révélation première. Ils s'appuient sur leur raison. Tout ce qui rentre dans la raison, on l'accepte. Tout ce qui ne rentre pas dans notre raison, on le rejette. وَدَخَلَ فِي هَذَا الْمَذْهَبِ وَتَمَذْهَبَ بِهَذَا الْمَذْهَبِ كَثِيرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ سَلَفًا وَحَدَثًا مِنْهُمُ الْمُعْتَزِلَ وَمِنْهُمُ الْأَشَاعِرَ وَمِنْهُمْ الْمُتَفَلْسِفَةَ. Tous ces gens-là, tous ces groupes dissidents, Al-Mu'tazilit, Wal-Asha'ira, Wa-Ahlul Kalam, les philosophes, et ceux qui, Wa-Mandara fi Falakihim, tous ceux qui prennent un petit peu à droite à gauche de leurs enseignements, tout cela, ils ont pour principe d'avoir fait devancer la raison humaine sur les textes religieux. Là où la raison n'a pas sa place. Effectivement, mes frères, Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa grande sagesse, a descendu des lois qui sont justes, qui sont un bien, qui sont une miséricorde pour la création. Dans certaines d'entre elles, il a expliqué le but derrière elles. Dans d'autres, on ne sait pas pourquoi elles ont été légiférées, on ne connaît pas le but derrière. Alors, sur les choses dont on connaît derrière la hikmah, la sagesse, alhamdoulilah, ça ne fait qu'augmenter notre certitude envers le bienfait de cette règle religieuse. Mais sur les lois dont on ne connaît pas la sagesse derrière, alors celle-là, comme dit Cheikh Saleh Al-Uthaymeen, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, il dit sur ce genre de règles religieuses dont on ne connaît pas la sagesse derrière, le fait de s'y soumettre, ça a plus de valeur auprès d'Allah. Pourquoi ? لِأَنَّهَا تَدُلُّ عَلَى الْعُبُودِيَّةِ الْمَحْضَةِ. Car ceci, ça implique la soumission complète à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi Allah a légiféré une prière de 4 raka'at? Connaît-on la sagesse derrière? Le prophète l'expliquait, personne ne sait. وَلَكِنْ نَسْتَسْلِمُوا وَنُسَلِّي 4 raka'at بِنِسْبَةِ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعِشَاء وَثَلَاثَ raka'at بِنِسْبَةِ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بِنِسْبَةِ الْفَجْرِ وَنَسْتَسْلِمُوا لِهَذَا الْأَمْرِ. Et Allah subhanahu yuhibbu hadha. Allah aime ceci. Que la personne se soumette, même s'il ne comprend pas la sagesse derrière, qu'il se soumette aux injonctions divines. Alors ces gens-là, Ahlul Kalam, ils ne considèrent pas ces choses-là. Tout ce qui rentre dans leur raison, ils l'acceptent. Wa yuthabbituna amma la yadkhulu fi aqlihim fi uqulihim as-saqima wal-fasida yarfudunaha wa yardunaha raddan. Ils la rejettent. Ils ne l'acceptent pas. Combien? Et pour donner un exemple précis sur ceci, c'est que ces gens-là ont renié les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Noms et attributs, ces gens-là, ils te disent non. Nous rejetons les noms et les attributs d'Allah, car ça ne rentre pas dans la raison humaine. Pourquoi? Car si on accepte les noms et les attributs d'Allah, alors on fait ressembler Allah à sa créature. Ist'amalu mujarrad al-aqli. Fadallu wa adallu. Ils ont utilisé juste leur simple raison et ils se sont égarés et ils ont égaré beaucoup de gens derrière eux. Alors, d'après ce qu'a dit le Shir, on va voir quelles sont les particularités de ces gens-là. Comment on les reconnaît? Ahlul Kalam, Awil Mutakallimun, car les deux termes ils sont à peu près équivalents. Comme je vous l'ai dit, parmi leurs particularités, c'est que leurs révélations, en fait, ce sont leurs raisons. Ils font prévaloir la raison sur les textes et ils prétendent que l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas éclairci les fondements de la croyance par ses preuves logiques et rationnelles. De même, ils disent que le Coran n'a pas éclairci les bases de la croyance par ses preuves logiques et rationnelles. C'est grave de dire ça, mes frères. C'est comme si le Coran nous avait caché des choses. Allah nous avait caché des choses et que le prophète nous avait caché des choses. C'est comme si que le message n'était pas complet, imparfait, déficient. Ils disent aussi que les compagnons du prophète ne sont pas rentrés dans ce genre, dans cette science-là, science du calame, la rhétorique, la spéculation philosophique, utiliser la raison à tort et à travers. Les sahaba ne sont pas rentrés dedans, pour quelle raison? Car ils étaient occupés dans les conquêtes musulmanes. Ou alors, d'autres ont dit, car ils voulaient se préserver afin de ne pas tomber dans l'erreur. Voilà ce qu'ils disent sur Allah, le prophète et les compagnons pour justifier leur croyance et leur credo et la voie qu'ils suivent. Ils se considèrent, eux, comme les détenteurs de cette science, la science de la raison. Ils se considèrent comme les détenteurs de cette science. Et ils se sont mis à cette tâche immense et ils ont perfectionné cette porte sur laquelle le livre d'Allah et la sunna du prophète ont été déficients, selon leur dire. Ils ont dit, puisque le livre d'Allah et la sunna du prophète et les compagnons ne sont pas rentrés dans ces choses-là, c'est-à-dire le fait de discuter rationnellement sur la religion, alors nous on le fait. Nous, on s'est mis à cette tâche-là, nous, on a perfectionné cette porte, alors que le livre d'Allah et la sunna du prophète ont été déficients par rapport à ceci. Alors ça constitue la première voie d'égarement, c'est la voie de la raison. Et on avait un courant de pensée à notre époque, d'ailleurs qui existe toujours, mais qui n'est pas institutionnalisé. Il n'y a pas d'école de pensée ou d'un état ou d'une école qui se revendique de cette voie-là. Mais on la trouve chez certains penseurs, comme ils disent, ou certains intellects musulmans. Fakirun islamiyoun. Cette voie-là, ce qu'on appelle al-aqliyoun, les rationalistes. Entre autres parmi eux, Muhammad al-Ghazali, ou à Mohamed Abdou, ou à Jamal al-Din al-Afghani, toute cette école-là de pensée, il disait, nous prenons les textes religieux du Coran et de la Sunna authentique, tout ce qui rentre dans la raison humaine, on l'accepte, maqboul. Tout ce qui ne rentre pas dans la raison humaine, on le rejette. Alors ils ont été, à cause de cette base-là qui est erronée, ils ont été amenés à rejeter beaucoup de textes de Sahih al-Bukhari aux musulmans. Vous voyez les incohérences de ces fondements-là qui sont erronés. Ça, c'est la première voie. La deuxième voie, comme dit le shir, حفظه الله تبارك وتعالى, أما الثاني فهو طريق المتسوفة أرباب العاطفة. C'est la voie des soufis. Les mutasawwifa, c'est tous les soufis et ceux qui font comme eux. D'accord? À plus ou moins grande échelle. Ce sont ceux-là qui mettent en valeur, c'est ceux qui mettent en valeur les sentiments sur les textes religieux. Ils mettent en valeur le ressenti, les sentiments, l'extase qu'ils trouvent dans une chose, en fermant les yeux et en faisant abstraction des textes religieux, à savoir si la chose qu'ils font est en conformité avec le livre d'Allah et le sunna du prophète ou non. Cela ne leur apporte peu, ne leur apporte guère. Dès lors qu'ils trouvent une halawa, une douceur, une extase, un ressenti de bien-être dans une chose, ils le font. Même si cette chose-là va à l'encontre de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, parmi leurs caractéristiques, qu'est-ce qu'il y a? Leurs sentiments et leurs ressentis sont pour eux comme une révélation. Il y a même certains d'entre eux, comme l'explique Cheikh, hamidallah, certains d'entre eux disaient, parmi ma chère Sophia, parmi les chers soufis, il disait « Haddathani qalbi an rabbi » « Mon cœur m'a dit d'après mon Seigneur. » Autrement dit, ils ne disent pas « Qala Allah, Qala Rasulullah » Ils disent « Haddathani qalbi » Certains ont dit « J'ai ressenti ou Allah m'a dit que je ne suis plus obligé de faire des actes d'adoration. Car je suis arrivé à un tel niveau, à un niveau dans ma certitude avec Allah, que je peux me passer d'actes d'adoration. Car j'ai compris maintenant. » Et ça, qui c'est qui lui a dit? c'est son cœur. Touhi ilayhim kulubuhum wa awatifuhum wa wajduhum wa adhwaquhum. Al-wajdu, c'est le fait qu'ils tombent en extase devant une chose. Et ça, on peut le trouver aussi à notre époque, à plus petite échelle. Par exemple, pour ceux qui célèbrent la fête de la naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez que ceci, c'est une chose qui a été inventée et qui est apparue au 4e siècle de l'Égypte, en Égypte, au Caire, sous l'ère des Fatimides, d'Al-Fatimiyya, qui sont une des branches chiites. Qu'est-ce qu'ils vous disent ces gens-là? Lorsqu'on vient les voir et on leur dit, est-ce que la chose que vous faites, elle a une base, elle a un fondement dans la religion d'Allah? Car le prophète nous a mis en garde contre toute chose inventée. Alors ils te disent quoi? Ce qu'on est en train de faire, est-ce qu'il y a un mal? On évoque le prophète, on raconte sa sira, on se sent bien, on trouve du rire. Certains même vous diront, c'est un jour où ma foi augmente. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous dire là? Ils sont en train de faire passer leurs sentiments sur les textes religieux. Autrement dit, ils auraient dû d'abord regarder la légitimité de ce qu'ils sont en train de faire. Et ensuite, si c'est légitime, ils le font. Si ce n'est pas légitime, ils ne le font pas. Or, ils ont fait devancer les sentiments, d'abord eux, ce qu'ils ressentaient en faisant ça, et ensuite, ils ont été amenés à trouver toutes sortes de subterfuges en tordant le cou des textes religieux pour approuver et pour légitimer leur acte. Vous voyez? Jusqu'à ce qu'ils n'ont rien trouvé à dire, parce que le prophète ne l'a jamais fait, ni les compagnons, donc il n'y a aucun fondement dans la religion. Alors ils ont dit quoi? Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on fait de mal? Ce n'est que du zikr, ce n'est que des halakats de science. Donc ils ont vu leur intérêt personnel, à savoir, je trouve que c'est bien, alors je le fais. De même que les gens qui tournent en rond, Ad-Darwish, parmi les Turak Sofi, il y en a qui tournent en rond. Lorsque tu le poses la question, il te dira, je trouve une sérénité dedans, masha'Allah. Chose que je ne trouve pas dans la prière quotidienne. C'est pour ça que je le fais. Il a fait devancer ses sentiments sur les textes religieux. Il aurait dû regarder d'abord la légitimité de cet acte. Et on pourrait comme ça citer des exemples très très nombreux à travers l'histoire. À travers l'histoire. Alors ces gens-là, ils font devancer, à l'inverse de Moutakadlimine, eux, ici, ils font devancer leurs sentiments avant les textes religieux. Puis, ils disent quoi? Ils disent, vous êtes les gens de la sunna, vous prenez votre religion des morts. Autrement dit, à travers les chaînes de narration. C'est vrai que nous, on dit quoi? Les gens de la sunna. Et on se caractérise par ça, non seulement à travers les groupes dissidents dans l'islam, mais aussi à travers toutes les religions. Une caractéristique que seuls les gens de la sunna ont, c'est qu'ils prennent leur religion à travers des chaînes de narration qui remontent jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que Abdullah ibn Mubarak rahimahullah tabaraka wa ta'ala, savoir qui a vécu à l'époque atba' al-tabi'in, il a dit laoula al-isnad laqala man sha'a ma sha'a. S'il n'y avait pas la chaîne de narration, n'importe qui pourrait dire ce qu'il veut sur la religion. ولكن بفضل الله ثم بفضل أئمة الحديث. On a des chaînes de transmission qui remontent jusqu'au prophète. حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان هكذا حتى يرفع السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Donc on prend notre religion des morts et des morts. On a افتخر بهذا. Et nous, on s'en vante de ça. Mais eux, les soufis, ils nous critiquent sur ça. Ils disent, vous prenez votre religion des morts sur les morts. C'est-à-dire, un tel, un tel, un tel, ils sont tous morts. Alors que nous, on prend notre religion, mais le hayy alladhi la yamut. D'Allah, subhanahu wa ta'ala, haddathani qalbi an rabbi. Alors que nous, on prend notre religion du vivant qui ne meurt jamais, Allah. C'est-à-dire, ils n'ont pas besoin de l'islam. Ils prennent leur révélation directement d'Allah, comme si c'était des prophètes. Et lorsque vous retracez un petit peu l'histoire des Turak Sofi à travers les époques, vous voyez que certains parmi eux ont été très très loin. Très très loin. jusqu'à ce que même certains d'entre eux sont carrément tombés dans la mécréance. Tazandaku wa kharaju an da'irat al-islam. Il disait que celui qui me voit, il disait ça à ses disciples, celui qui me voit ne goûtera jamais l'enfer. Man ra'ani la yadkhul la yadkhul an-nar. Et les disciples, qui bien sûr étaient formatés, ils croyaient. Celui qui disait, il y a Tijani, de la secte de Tijani, il disait, celui qui m'a vu en rêve rentrera au paradis. Man ra'ani fil manam yadkhul al-jannah. Le pire, c'est que malgré la grossièreté de cette parole, ou aboutlan ou had al-kalam, c'est une chose qui est. Tout le monde, même quelqu'un de 6 ans qui est sur la fitra, il peut le réfuter. Walakin, il y avait des milliers de personnes devant lui qui y croyaient. Il y en a même qui ont été plus loin aussi, qui ont dit que Allah subhanahu wa ta'ala yahullu fi khalqihi. Inna Allah fi kulli makan. Allah est partout. Ou Allah est inhérent à sa création. Certains ont dit des choses comme ça. Allah est inhérent à sa création. Allah, il est partout. Toute chose que je vois en face de moi, c'est Allah. Toi, tu es mon Seigneur jusqu'à ce que Ibn Arabi, At-Ta'i, il était avec ses disciples, il a vu un porc et un chien passer devant lui. Il a dit, votre Seigneur n'est que ce chien et ce porc. Pourquoi? Car dans sa croyance, il voyait que Allah se matérialise en toutes choses. Vous vous rendez compte de la stupidité de ses croyances? Mais qu'est-ce qui l'a amené à dire ça? C'est justement le fait qu'il a fait prévaloir ses sentiments et son ressenti sur la croyance, sur les textes religieux, sur la chose sur laquelle était le prophète, ainsi que les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, wa ridwanullahi tabaraka wa ta'ala alayhi. Ils font prévaloir leur ressenti sur la législation, ils font prévaloir leurs actes et adorations au détriment de la science, ils font prévaloir leurs pratiques spirituelles. Car les mutasawwifa, ils ont des pratiques spirituelles bien particulières, ce qu'on appelle riyadat. C'est des pratiques précises qui vont leur permettre d'arriver à des objectifs précis. En gros, c'est un formatage. Et s'ils sortent de cette voie-là, alors on les menace. On les menace de quoi? On les menace en leur disant que s'ils ne suivent pas la voie qu'on leur a tracée, ils n'atteindront jamais l'objectif. Ce ne seront jamais des connaisseurs d'Allah. Et si ça ne suffit pas, on les menace du feu de l'enfer. Donc, ils ont des pratiques spirituelles, et ces pratiques spirituelles, ils n'ont même pas eu le réflexe de regarder si elles étaient conformes aux textes religieux du Coran et de la Sunna, et ce sur quoi étaient les compagnons. Ils font la différence, ça c'est quelque chose de très important à comprendre. Ils font la différence entre la réalité et la législation. Ça veut dire qu'ils disent que la sharia, ce qu'Allah a fait descendre, les textes religieux qu'on a à travers le Coran et les hadiths du prophète, ça c'est sharia, ça c'est pour le commun des gens. Sharia, li'umum al-nas. Amma al-haqiqa, hada lil-khawas. Al-haqiqa, les khawas, c'est pour les initiés. C'est pour une catégorie de personnes. C'est comme s'il disait que Allah subhanahu wa ta'ala, le bien, al-khair, il l'a descendu que pour une catégorie de personnes. Le Coran, pour nous, satri, à la surface. Mais derrière, il y a des sens cachés que seuls les initiés peuvent comprendre. Alors les soufis, ils font la différence entre sharia wa haqiqa. Alors que les gens de la Sunna, comme on le verra, la yufarikuna ibayna shari'ati wal haqiqa. Ils ne font pas la différence entre la sharia et la haqiqa. Bal yakuluna inna haqiqat al umur fi shari'ati Allahi tabaraka wa ta'ala. Bal il haqiqa kull al haqiqa fi shari'ati Allahi tabaraka wa ta'ala. La réalité des choses, comme elle est, c'est la sharia en elle-même. C'est ce qu'Allah nous a dit, subhanahu wa ta'ala, et c'est ce que le prophète nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Donc eux, ils font la différence entre les deux. Ils ont aussi, comme je vous l'ai dit, l'exagération dans la vénération de leur maître ou de leur chouyour. Et cette exagération, elle est fréquente chez eux. jusqu'à arriver à l'associationnisme, c'est-à-dire le shirk. Ils font du shirk, billah. Yakhafuna, ils ont peur de leur mashaïr, d'une peur plus grande que la peur qu'ils ont envers Allah, subhanahu wa ta'ala. يقول الإمام الذهبي رحمه الله تبارك في السيار سيار علم النبلاء كما je vous l'avais expliqué la semaine dernière, سيار علم النبلاء c'est un recueil de livres qui retrace un petit peu les biographies des salafs salih, d'accord, سيار في أعلام النبلاء. Il dit رحمه الله تبارك وتعالى الذهبي, je rappelle que c'est un des élèves de l'imam de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah al-Hafiz. Il dit إذا رأيت المتكلم المبتدع يقول دعنا من الكتاب والأحاديث الآحاد وهات العقل فاعلم أنه أبو الجهل. Il dit, lorsque tu vois le mutakallim, donc c'est la première catégorie de personnes, le mubtadi', l'innovateur. Donc ici, quand on dit mutakallim et on dit mubtadi' derrière, c'est presque un euphémisme. Car le mutakallim, c'est forcément un mubtadi'. إذا رأيت المتكلم المبتدع qui te dit دعنا من الكتاب والأحاديث الآحاد, épargne-nous le livre d'Allah et les أحاديث الآحاد. أحاديث الآحاد, c'est tout ce qui n'est pas متواتر. Bref, je ne vais pas entrer dans le détail ici. Tous les أحاديث du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ramène وهات العقل, ramène plutôt la raison, qu'on discute sur des preuves rationnelles. Alors qu'est-ce qu'il dit l'imam al-Dhahabi? Il dit فَعْلَمْ أَنَّهُ أَبُو الْجَهْلِ, sache que c'est un grand ignorant. Celui-là, celui qui te parle comme ça. Puis il vient à la deuxième catégorie. Il dit وَإِذَا رَأَيْتَ السَّالِكَ التَّوْحِيدِ يَقُولُ دَعْنَا مِنَ النَّقْلِ وَمِنَ الْعَقْلِ وَهَاتِ الذَّوْقَ وَالْوَجْدَ. Et celui qui te dit, lorsque tu vois celui qui te dit السَّالِكَ التَّوْحِيدِ, c'est celui qui suit une voie spirituelle particulière, une voie soufie. Il te dit laisse les textes de côté ainsi que la raison. Laisse tout ça de côté. Mais ramène plutôt ce que tu ressens. Dis-moi ce que tu ressens dans ton cœur. Alors qu'est-ce qu'il dit l'imam al-Dhahabi? Il dit فَعْلَمْ أَنَّهُ إِبْلِيسُ قَدْ ظَهَرَ بِسُورَةِ بَشَرٍ. Sache que c'est Iblis qui a pris l'apparence d'un homme. قَدْ حَلَّ فِيهِ. Ou alors qui est rentré en lui. فَإِنْ جَبُنْتَ مِنْهُ فَهْرُمْ. Si tu as peur de lui, fuis. Si tu as peur de Shaitan, fuis. وَإِلَّا فَسْرَعْهُ وَبْرُقْ عَلَى صَدْرِهِ وَقْرَ عَلِهِ آيَةَ الْكُرْسِ وَخْرُقْهُ. Il a dit, si tu n'as pas peur, alors lutte avec lui et couche-toi sur sa poitrine et lis Ayat al-Kursi et étrangle-le. C'est un Shaitan. Vous voyez comment était Salaf al-Salih. L'imam al-Zahabi, c'est un imam qui a vécu au 8e siècle de l'Hégire. 8e siècle de l'Hégire. Wa kana ala min wal salaf al-salih. Kana shadidan ala ahl al-bid'ah. Sur ce genre de choses, les salafs, ils étaient durs. Durs dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'ils ne laissaient aucune ambiguïté aux personnes qui étaient sensibles ou qui étaient peut-être amené à dévier dans une de ces deux voies-là. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, comme l'a rapporté le mu'allif, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, fi akhir al-bab, yaqulu kalaman jamilan, ya'ti bi khulasati ma qultu lakum wa ma dhakartu lakum. Yaqulu Cheikh l'Islam rahimahullah tabaraka wa ta'ala, inqasamat al-ummah ila thalath firaq. La communauté s'est divisée en trois grands groupes. الجامعون حققوا القول التصديقي والعمل الإرادي. يدي الجامعون. الجامعون, ce sont ceux qui ont réuni, qui ont réalisé, non seulement le قول التصديقي. Le قول التصديقي, c'est-à-dire هم صدقوا الأخبار. صدقوا ما جاء عن الله تبارك وتعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك عملوا بمقتضى العلم أي والعمل الإرادي. Hum ahlus sunnati wal jama'a, ceux qui ont réuni les ilms et les actes en parallèle, en complémentarité, d'accord, ceux-là, ce sont les gens de la sunna. Thumma yaqul wa fariqani faqadu ahad al ma'nayayn, et deux autres groupes qui eux ont perdu un des deux sens. Fal kalamiyun, يتكلمون غالب نظرهم وقولهم في الثبوت والانتفاء والوجود والعدم والقضايا التصديقية فغايتهم مجرد التصديق والعلم والخبر. Il dit que la plupart de leurs points de vue, de leurs propos, c'est dans le fait de dire ceci on l'accepte, ceci on le renie. Ceci on l'affirme, ceci on le renie. Ceci ça existe, ceci ça n'existe pas. Et aussi, ils se rapportent, leurs propos tournent toujours autour de at-tasdir, c'est-à-dire ceci on y croit, ceci on n'y croit pas. Tout tourne autour de ça. Comme par exemple, pour ne parler que de ça, sifat, sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Certains ont dit, ceux-là on les reconnaît, ceux-là on ne les reconnaît pas. Ceux-là on les reconnaît pour telle raison, ceux-là on ne les reconnaît pas pour telle raison. Donc, hakkamul aql. Donc la plupart de leurs propos, de leur point de vue, de leur discours tournent autour de ceci. À l'opposé, as-soufiyoun, ghalibu talabihim wa amalihim fil mahabbati wal birdati wal iradati wal karahati wal harakati al amaliya. Ils basent leurs agissements que sur des actes en faisant abstraction et en fermant les yeux sur la science, en mettant la science vraiment en arrière-plan. فغايتهم المحبة والانقياد والعمل الإرادة والإرادة عفوا. Il dit leur but, leur objectif c'est l'amour, le fait de se laisser guider de l'inqiyad dans leur voie, ou l'amalou et l'irada, la volonté, c'est-à-dire ce qu'ils veulent eux, sur vers quoi ils veulent arriver, et al-nashat al-amal, les activités. Bien sûr, dans leur voie qui est déviante. D'accord. Puis il dit, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, Tu'amma ahlu al-ilm wal-iman. Quant aux gens de la science et de la foi, فَجَمِعُونَ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ بَيْنَ التَّزْدِيقِ الْعَمَلِ وَالْعَمَلِ الْحُبِّ. Alors que les gens de la science et de la foi, ils réunissent les deux choses en même temps. بَيْنَ التَّزْدِيقِ الْعَمَلِ. Ils ont été véridiques dans l'application de leurs actes par rapport à la science qu'ils ont eue. وَالْعَمَلِ الْحُبِّ. Et ils ont été, comment dire, assidus et persévérants dans ceci. ثُمَّ إِنَّ تَزْدِيقَهُمْ عَنْ عِلْمٍ. Le fait qu'ils ont rendu véridique ces choses-là, ça s'est basé sur une science qu'ils ont eue du livre d'Allah. Et leurs agissements et leur amour, il est aussi basé sur une science. Donc ils ont été préservés des deux défauts par lesquels ont été touchés al-mutakallimun ou al-mutasawwifa. فحصلوا ما فات كل واحدة منهما من النقص فإن كلا من المنحرفين له مفسدة. Puis ils ont eu ces deux choses-là, chose que les deux groupes dissidents, le Mutsawifa ou le Mutakallimun, ont été déficients par rapport à une de ces deux choses. D'accord ? La science, l'amal ou l'nashat. Puis il dit, Rahimahullah Tabarak wa Ta'ala, parmi les deux grands défauts de ces deux voix dissidentes, al-qawlu bila ilmin in kana mutakalliman. Pour les mutakallimin, c'est qu'ils ont parlé sans science sur Allah subhanahu wa ta'ala, ou al-amalu bila ilmin in kana mutasawwifan. Et pour les soufis, ou ceux qui suivent ces voix-là, ils ont agi sans science. Naam. Wa huwa ma waqa'a min al-bid'a al-kalamiyyah wa al-'amaliyyah al-mukhalifah lil-kitab wa sunnah. Et c'est à cause de ceci que l'on voit toutes sortes d'innovations religieuses, que ce soit dans les propos, que ce soit dans les pratiques cultuelles, jusqu'à nos jours. Tout ce que vous voyez comme bid'a, comme innovation religieuse, elle découle de ces deux grandes mafsadas, c'est-à-dire deux grands mots, M-A-U-X, d'accord. La deuxième, ثانيه فوات المتكلم فوت المتكلم العمل وفوت المتصوف القول والكلام. C'est que المتكلم, philosophe, ou ceux qui rentrent dans la rhétorique spéculative, ils ont laissé passer les actes d'adoration. Ils ont dénigré ça. Alors que le Mutasawwifa, a contrario, ils ont délaissé al-qawl wal-kalam, c'est-à-dire al-ilm wal-ta'lim, wal-da'wati ilallahi tabaraka wa ta'ala. Wa ahlu sunnati al-batinati wal-zahira, kana kalamuhum wa amaluhum batinan wa zahiran bi'ilm, wa kana kullu wahidin min qawlihim wa amalihim makrunan bil akhar. Alors que les gens de la sunna, leurs propos et leurs actes apparents ou cachés sont basés sur une science, وكان كل واحد من قولهم وعملهم مقرونا بالآخر. Leur science et leurs actes sont toujours en adéquation. Leur science, leurs propos et leurs actes, leur science et leurs actes sont toujours en adéquation. Ils ne font pas une chose sans science. Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqatan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. وهؤلاء هم المسلمون حقا الباكون على الصراط المستقيم. Cela, c'est toujours Cheikh l'Islam qui parle. Cela, ce sont les véritables musulmans. Ceux qui sont restés sur la voie droite, صراط المستقيم, صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. La voie qu'Allah, la voie de ceux qu'Allah a comblé de ses bienfaits, non pas la voie de ceux qui ont couru la colère d'Allah, ni des égarés. Et c'est pour ceci que Cheikh l'Islam fait une transition directe ici avec les juifs et les chrétiens. Yaqul fa inna munharifata ahli al-kalam fihim shabah al-yahoud. Les gens qui sont tombés dans la philosophie et qui ont mis les actes de côté, ils ont une similitude avec les juifs. Effectivement, les juifs, rabbaniyoun wal ahbar, d'accord, wal yahoud bi sifatin amma, ils ont attaché de l'importance sur la science, mais kanu ya'maluna bi khilaf al-'ilm. Et ceci, Allah nous parle de ceci dans plusieurs endroits dans le Coran al-Karim. Alors que les gens de tasawwuf, ils ont une similitude avec les chrétiens. Effectivement, les chrétiens, ils agissent beaucoup, mais ils le font sur une voie qui n'est pas celle de Isa ibn Maryam. ولهذا غلب على الأولين جانب الحروف وما يدل عليه من العلم والاعتقاد وعلى الآخرين جانب الأصوات وما يثيره من الوجد والحركة. Donc les premiers, ils ont porté leur accent et tous leurs efforts sur les textes et la raison et la science en dénigrant les actes, alors que les autres, ils ont porté tous leurs efforts sur les actes en délaissant la science. Vous voyez que l'islam, comme on l'avait vu la semaine dernière, dit le wasat. Dit l'islam, baina al-yahoud wa al-nasara. Baina ifrat al-yahoud wa baina tafrit al-nasara. Wa lizalika ya ikhwati al-kiram, tarakana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ala minhaj bayyin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, wa man yushaqiq ar-rasul min ba'd ma tabayyana lahu al-huda ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Et celui qui fait scission avec le prophète après que l'épreuve lui fut venue. Donc mes frères, أقيمت الحجة علينا, l'épreuve nous fut venue, d'accord, tout a déjà été éclairci, on n'a pas d'excuse devant Allah subhanahu wa ta'ala, et on ne pourra pas dire le jour du jugement le chemin n'était pas clair. Le chemin était trouble. Le chemin, il est clair. L'islam, il est clair jusqu'à nos jours. Voilà qui, ce sont les musulmans qui ont dévié. Amma tariq al-islam, tariq al-sunna, al-minhaj al-sunnati wal-jama'a, al-minhaj al-salafi, wasala ilayna bifadlillahi tabaraka wa ta'ala, thumma bifadlil qa'imina ala da'wati ila Allah tabaraka wa ta'ala, abra al-usuri wal-amkina. فنشكر الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين ينتسبون إلى المنهج السلفي, منهج الحق, منهج أهل الأثر, منهج أهل الحديث, منهج الصحابة. Toutes ces dénominations, mes frères, elles ont pour unique, elles ont un seul sens, elles reviennent tous à la même chose. C'est la voie que nous a laissé le prophète صلى الله عليه وسلم ainsi que ses compagnons. وأكتفي بهذا القدر. وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابة أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك وأتوب إليك.